À la deuxième personne du singulier, donc pour tutoyer, la terminaison pour les verbes an ar est aste, qui s'écrit A-S-T-E. Aste. Hein? Aste. Alors, tu as parlé, sans plongeoir. Ablasté. Oui, mais je voudrais entendre une seule syllabe accentuée. Ablasté. D'accord, ablasté. Et à quelle heure est-ce que tu m'as appelé, sans plongeoir? À qui hora me ablasté? Mais ça veut dire à quelle heure est-ce que tu m'as parlé? Ah oui, à qui hora liamaste? Vous venez de dire à quelle heure est-ce que tu as appelé. Maintenant, je voudrais que vous disiez à quelle heure est-ce que tu m'as appelé. À qui hora me llamaste? C'est ça. À qué hora me llamaste? À qué hora me llamaste? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Sans plongeoir. Por qué no me llamaste? Bien. Por qué no me llamaste? Donc, nous avons aste pour les verbes an ar et iste, I-S-T-E, iste pour le reste des verbes. Donc, à quelle heure est-ce que tu es sorti? Sans plongeoir, se dira. À qué hora saliste? D'accord. À qué hora saliste? À qué hora saliste? Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vendu? Toujours au passé sans plongeoir. Por qué no lo vendiste? C'est ça. Por qué no lo vendiste? Et maintenant, pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vendu? Vous posez la question à usted. Toujours sans plongeoir. Por qué no lo vendió? D'accord. Por qué no lo vendió? Por qué no lo vendió? Et maintenant, vous posez la même question à ustedes. Pourquoi est-ce que vous ne l'avez pas vendu? Toujours sans plongeoir. Por qué no lo vendieron? Bien. Por qué no lo vendieron? Por qué no lo vendieron? Et ils l'ont vendu. Sans plongeoir. Lo vendieron. Lo vendieron. Et je ne l'ai pas vendu, sans plongeoir. No lo vendí. No lo vendí. Je l'ai acheté, toujours sans plongeoir. Lo compré. C'est ça, lo compré. Et il ne l'a pas acheté, sans plongeoir. No le... No lo compró. Encore une fois. No lo compró. No lo compró. No lo compró. Il ne l'a pas acheté. Et ils l'ont acheté, sans plongeoir. Lo compraron. Lo compraron. Bon. Alors, pour les verbes an ar, comme comprar, c'est aron. Donc, lo compraron. Et pour les autres verbes, les verbes an er et ir, comme vender et salir, c'est yeron. Alors, il ou elle l'ont vendu, au passé sans plongeoir, se dit lo vendieron. Lo vendieron. Et pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vendu? Toujours sans plongeoir. Por qué no lo vendistes? Ah, avec tu, la terminaison est aste, pour les verbes an ar et iste pour les verbes an er et ir. Donc, dans les deux cas, ça finit en t. Il n'y a donc pas de s final. Aste et iste. Alors, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas vendu? Por qué no lo vendiste? D'accord. Por qué no lo vendiste? Por qué no lo vendiste? Et pourquoi est-ce que tu ne m'as pas appelé? Sans plongeoir. Por qué no me llamaste? Bien. Por qué no me llamaste?